Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'80's de podcast. Alors pour ce numéro, je vais accueillir Charlotte. Est-ce que ça va Charlotte ? À fond, super. Et Mikado. Est-ce que ça va Mikado ? Salut, bonjour à tous. Alors donc pour ce nouveau numéro, nous allons consacrer cette émission aux friandises des 80's. Comme vous le savez, les 80's ont été particulièrement riches en produits tous plus exotiques et tous plus particuliers les uns que les autres, notamment en matière de friandises, et on va se permettre de les évoquer, surtout ceux qui nous ont marqués. Donc on va commencer cette sélection avec le premier choix de Charlotte, à savoir les bonbons Pez. Oh, ouf. Oh, ça dégaine direct là hein. C'était mon choix premier. C'est toujours mon choix premier en fait. Alors j'ai un peu triché parce que Pez c'est pas vraiment un bonbon des années 80 en fait, c'est né bien avant. Mais pour moi c'est vraiment le bonbon de mon enfance en fait. C'est le truc, c'était le petit cadeau à la fin des courses quand j'avais été sage. C'était pas tant le bonbon finalement dans le Pez, c'est plutôt c'est le distributeur de Pez, quoi. Et il y en a, mais et j'en achète encore des fois parce que je les trouve trop beaux, tu vois. J'en ai un devant moi, là, d'ailleurs. C'est incroyable. Là, c'est Kitty. Pourquoi je suis pas étonné? J'aurais dit mon petit poney, tu vois. Oui, mais il y en a pas, mon petit poney, figure-toi. C'est pas vrai. Et Charlotte aux fraises non plus, je pense, à mon avis. Eh ben, non plus. Oh, alors là, réclamation. Parce que tu vois, honnêtement, moi, Pez, je suis comme toi. J'adorais ça quand j'étais minot. Et j'aurais dit, ouais, il y a du Charlotte aux fraises au minimum, quoi, non? Alors, il y en a, mais c'est la nouvelle pas belle, là. Ah oui, oui. Qui est sortie dans les années 2000, donc elle n'existe pas, elle, en fait. Donc, elle est on est d'accord. Voilà. Donc, non, mais des vieilles Charlotte fraises, il n'y en a pas eu. Puis la petite nouvelle, je ne crois pas qu'il y en ait eu non plus. Alors, donc, voilà. Mais j'en ai trouvé un Mario, il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté à mon fils. Et j'ai dû retourner en acheter un à mon mari, quand même. Ça ne m'étonne pas. Qui le voulait. Alors Charlotte, je te propose déjà de nous rappeler ce qu'est le bonbon Pez. Puisque c'est bien beau de... Quel type de bonbon? Est-ce que les goûts sont différents? Est-ce que comment ça fonctionne le bonbon? Alors c'est des micro bonbons rectangulaires qui doivent faire quoi, un demi centimètre sur un centimètre, et qui sont présentés donc dans des petits distributeurs comme on disait, avec des têtes de personnages. Et il en existe. D'ailleurs les premiers, je crois que la première licence Pez c'était avec Disney, donc il y a eu plein de trucs Mickey, machin. C'est extrêmement collector entre parenthèses. Il y en a qui cotent vachement. C'était les trucs genre Bugs Bunny et tout le bazar. Absolument. Et c'est pas tip top en fait comme bonbon finalement. C'est des espèces de trucs à croquer. Il y a plein de goûts quoi, citron, orange. Enfin j'ai souvenir d'énormément de goûts. Ceux à la cerise sont particulièrement ignobles. De toute manière, la cerise, au-delà de la cerise, devrait être interdite à la consommation. C'est vrai. Genre les yaourts Switch, j'adore la cerise. Les yaourts à la cerise, c'est ceux que les papas mangent parce que les enfants ne veulent pas. Moi, c'est celui que je préfère. Je me bats avec ma fille pour le yaourt à la cerise. Mais c'est la fraise qu'on n'aime pas. On dirait du vomi. Si, Bref, on n'est pas là pour débattre des yaourts. Alors par contre, du coup, si je me souviens bien, il y avait des couleurs pour les tubes des Pez. Et ça, c'était en fonction du goût ou pas, je me souviens. C'est ça, ouais. Le orange pour le orange, jaune pour le citron. Non. Ouais. Je crois que c'était rouge pour la cerise, il me semble. Hein. Je ne suis pas sûre. Ouais, mais moi, je te rejoins, Charlotte. Évidemment que le bonbon, je ne m'en souviens pas. Mais moi, les jouets, j'étais fan. Hein. Après, il y a eu plein de variantes, je crois. Il y a eu Star Wars, enfin, il y a eu plein de trucs. Oui, il y en a plein, il y en a encore tout plein. Ils en sortent plein. Et c'est le truc qui a la caisse, quand tu vas faire évidemment. Les courses. Évidemment. Le petit présentoir qui va bien. Et moi, j'étais comme ça petite et je les réclamais. Et puis aujourd'hui, mes enfants, ils réclament forcément à chaque fois qu'on sort des courses. Et tu les as encore, tes Pez d'époque? Non, malheureusement. Oh là là, moi non plus. Je ne sais pas où ils sont passés. J'en ai eu un certain nombre quand même. Vraiment. Moi, il m'en reste un Bugs Bunny, c'est sûr, chez mes parents, mais voilà. Par contre, ça se recharge, c'est ça, hein? Ouais. Sauf que tu veux pas les recharger parce que toi, tu veux un nouveau distributeur avec un nouveau bonhomme. Enfin, moi, exactement. C'est ça, en tout cas. Au niveau marketing, ils avaient tout trouvé parce que le bonbon, comme je dis, le bonbon, il est pas, tu sais, c'est pas, pas extraordinaire, mais le c'était le jouet qui était autour qui était extraordinaire. Ouais. On est d'accord. Bon, alors est-ce qu'on s'écouterait pas un petit extrait de la pub PES ? Allez. Ah oui, allons-y. Il était des petits PES, marionnettes super chouettes. Il était des petits PES qui avaient de drôles de citrons et des bonbons dans leur bidon. PES, les petits bonshommes qui ont le bidon rempli de bonbons. Cerise orange citron. Bon, effectivement, ce bonbon PES reste dans les mémoires avec ces petites créatures assez marrantes et qui déclenchent une collectionnite, à mon avis, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, on va passer au choix de Mikado. Alors, toi, tu nous as choisi le Fritzy Paddy. Ah ouais, alors, Fritzy Paddy, le chewing-gum qui craque et qui claque. Est-ce que vous vous rappelez de ça, Charlotte? Pas du tout. Là, alors, je t'avoue. Alors, Fritzy Paddy, je pense que c'est le plus chimique des friandises des 80s. Parce que, bah, en fait, grosso modo, c'est une sorte de, pas de poudre, mais de cristaux dans un sachet que tu mettais sur ta langue. Et ça faisait. Donc, ça pétillait dans ta bouche. Je le fais c'est bien. C'est le genre de truc que je déteste. C'est super bien, le Fritzy. Ah, moi, j'adorais ça. Et après, une fois que tout a fini de pétiller, bah, ça devient chewing-gum. Qui était d'ailleurs quelconque, mais moi j'ai un affect particulier sur cette friandise. Parce ça que j'ai... pas être chimique du tout déjà. Ah non, tu sais c'est comme le, tu sais les crèmes brûlées où tu la brûles pas, tu mets un truc dessus, ça, tu vois, ça fait une crème brûlée. Tu vois, c'est un peu le même délire, tu vois. Ça existe encore ? Oui, ça existe encore. Ouais. Moi-même je pensais que ça n'existait plus. Ça a dû être interdit à un moment donné. Pire le truc, je suis allé manger au restaurant il y a pas très longtemps et il y avait le cuistot. Qui, dans un dessert, oh non, avait ça, c'est mis raide, ça. Du Fritzy Paddy dessus. Et alors? Eh ben, il y en avait quasiment pas. Donc, du coup, tu avais juste l'effet genre deux secondes et tu n'avais pas de quoi faire un vrai chewing-gum. Donc, ça allait. Mais ça faisait un effet assez bizarre. C'était une sorte de, en dessous, une sorte de, comment on appelle ça, un bavarois, là, ou je sais pas quoi, un truc un peu mousseux, là. C'est sûr que le bonbon n'était pas très bon. Mais, non, mais c'est juste pour l'effet, quoi. Tous les mots qu'on était, t'avais l'impression que ça explosait magique. Dans ta bouche, quoi. Tu vois. C'était magique. Après, ça devenait un chewing-gum. Donc, on était un chewing-gum. Tu sais, on disait ça. Un chewing-gum. Et voilà. Donc, c'était. C'est un de mes premiers souvenirs quand on a préparé l'émission, quoi. Bon, et ben, on va s'écouter la pub d'ailleurs. Hey, Fritzy Paddy, t'as jamais vu ça? Goody, ça te fera goody. Fritzy Paddy, le chewing-gum qui craque et qui claque. Fritzy Paddy, vas-y, sur tes papilles, ça te fera guili. Fritzy Paddy, le chewing-gum qui craque. Après, on va basculer sur le deuxième choix de Charlotte en la personne de. Alors là, c'est un peu particulier, puisque vous les aviez tous les deux en votre sélection, c'est le Tubble Gum. Oh là, ah, bien joué. Et du coup, le Tubble Gum, mais il existe plusieurs types de Tubble Gum. Donc, étant donné que c'est le choix de Charlotte, je vais te laisser quand même présenter ce que c'est que le Tubble Gum, Charlotte. Alors, pour moi, le Tubble Gum, c'est le chewing-gum dans un tube de dentifrice, en fait. C'est ça. Mais le tube assez large, quand même. Il y a le rouleau, il y avait le rouleau, mais dans le tube de dentifrice, c'était quand même vachement plus rigolo. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était la pub, finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub. Évidemment. On ne sait pas si c'est celle-là. C'est celle où ils te disent qu'en gros, tu vas pouvoir faire des super bulles énormes, géniales et super costauds. C'est et ça. Voilà, il y a plein de personnages qui défilent, qui n'arrivent pas à faire des bulles, qui s'en foutent dans les cheveux. Et puis après, avec le Tubble Gum, c'est la fête du slip parce qu'ils font tous des bulles d'accord. énormes. Et voilà. On va se l'écouter, la pub, et on en reparle après, puisque ça sent le gros débat. Bonjour, la situation est grave. Les Français ne savent pas buller. Heureusement, j'ai créé le Tubble Gum. Tubble Gum, c'est le chewing-gum en tube. Et ça fait des boules énormes. Alors prêt, buller. Tubble Gum, Tubble Gum, Tubble Gum, Tubble Gum, le Léo, c'est le plus rigolo. Et retrouvez mes aventures dans les sachets Léo. Alors moi c'est marrant parce que j'avais également mis ça dans ma sélection parce que c'est vraiment une friandise des 80s qui m'a énormément marqué. Mais moi par contre je j'aimais pas du tout ça quoi. Je détestais ça parce que En fait c'était pas très bon effectivement. Ah c'était infect parce que moi à l'époque mes parents ils m'achetaient des Malabar. Je l'ai pas mis dans ma sélection parce que je crois que c'est beaucoup plus vieux que ça. Au risque de dire une ânerie, c'est au minimum des 70s Malabar. Ouais, je me demande même si c'est pas d'après-guerre ou un truc comme ça, tu vois. Bon, en même temps, les pèzes, c'est 1920. Enfin, voilà, tout ça pour dire que moi, à l'époque, j'adorais les Malabar, parce qu'en plus, t'avais, ils commençaient à sortir des variantes où t'avais le rose classique, et après, t'avais le fameux Malabar Bigou. Je sais pas si vous vous souvenez, celui qui était rose et, jaune. Horrible. C'était jaune. Que, moi, j'adorais ça. Et là arrive le Tubblegum. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à là, la limite la préparation de l'émission, je croyais que le produit s'appelait Léo. Et en fait, Léo, c'est le personnage, c'est la mascotte. C'est le personnage, quoi. Ouais, mais qui moi, a bien un look années 80, jaune. D'ailleurs. Ah bah oui, avec, vous savez, les traits derrière, façon Master System pour les gamers. Et franchement, dans ma tête, c'était voilà le chewing-gum Léo. Tu vois, on se posait pas de questions. Et en fait, c'est Tubblegum. Et je détestais ça. Je trouvais que c'était. J'ai encore le mauvais goût en tête. Ça passait encore, mais je crois que le pire du pire, c'est quand t'oubliais genre ton tube dans la voiture et qu'il chauffait un peu. Et après, ça avait une espèce de consistance semi-liquide ignoble. Et là, c'était parfait. Moi, je me souviens aussi. C'est quand il en restait un petit peu. On coupait le fond. J'allais dire. Tu coupais. Vas-y, je te laisse finir, Sir. Ça te fait plaisir. Vas-y, c'est cadeau. Tu coupais ton tube là, et après tu raclais comme tu pouvais avec la langue et tout. Tu pressais déjà, parce que si je me souviens bien, dans le tube, c'était en forme un peu de croix, le truc là. Oui, exact. Et effectivement, tu poussais là. C'était pas une forme ronde, c'est une forme un peu en croix. Ah. Et quand tu avais la pâte en bouche là, en gros, t'avais vraiment pas l'impression de pouvoir faire une bulle, en fait. Est-ce que j'ai réussi à faire une bulle? C'était impossible. C'était un peu mou. Je crois pas. Ouais, c'était trop mou, en fait. C'était trop de la pâte. Ouais. Je sais pas. Justement, le Malabar pour faire des bulles, c'était le top du top. C'était hyper dur. C'était affreux à manger, Malabar. Franchement, c'était dur pour les enfants. Ouais, moi, j'arrivais. Ça me faisait toujours mal à la mâchoire. Franchement, Malabar, t'as l'impression de manger du pneu. Déjà, pour en manger un complet, c'était pas possible. Tu le coupes forcément en deux, ton Malabar. Ouais, d'où les bigots, tu vois. Moi, du coup, les bigots, je les coupais en perpendiculaire et pas en parallèle pour avoir un demi bigot, tu vois. Ah, ouais. J'ai jamais pensé à cette affaire. Voilà, c'est ça. Tu vois, fallait demander. Ouais, parce que pour casser sur la ligne, ça allait, parce que limite, c'était déjà prêt. Ah, c'était prêt découpé, mais absolument. Ouais. Dans l'autre sens, fallait le ciseau. Ouais, mais enfin, dans le Malabar, il y avait quand même le tatouage et ça, c'était quand même trop bien. Ah, ça dépendait. Ça dépendait. Parce que, alors on va faire une aparté sur le Malabar. Il y avait les petites BD. Ah évidemment. Oui. Évidemment, les petites BD, évidemment, avec les thématiques de l'espace et tout, je me souviens, ça. Ouais. Et puis après, ils ont quand il y en a marre, il y a Malabar. Nous, on disait quand il y en a marre, il y a Raymond Barre aussi, mais bon. Et nous, moi, j'aimais bien le perso. Enfin, c'est sûr, bon, c'est un peu l'univers chewing-gum, mais j'adorais le perso parce qu'il me faisait penser à Fred dans Scooby-Doo. Ah bah si. Ah oui, non, mais oui, moi j'ai. Et après, ils l'ont relooké. Et après, pour la petite histoire, ils l'ont relooké. Il ressemblait toujours à Malabar. Et il y a moins d'une dizaine d'années, c'est un chat maintenant. 2011. Ouais. Et depuis, j'en mange plus. Je mange plus. C'est un chat noir avec des lunettes. C'est plus Malabar version gay friendly, tu vois. C'est un chat, genre un chat de gouttière noir. Bah, soi-disant, c'était pour toucher, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les ados qui mangent des Malabar, c'est des enfants, ce qui était déjà le cas. C'est des chats qui mangent les Malabar. Donc Voilà, le chat, ça fait plus. Il a zéro charisme, ce. C'est comme le lapin Nesquik, on va pas revenir sur ce funeste épisode. Un gros quick, enfin bref. Voilà. Ne pleure pas. On a une raison pourquoi il est parti, le bonhomme Malabar, non, on sait pas. C'est ça, c'était parce qu'il rejoindre. Était pas, et par contre, il était trop autoritaire pour les enfants. C'est vrai que le Tubblegum, c'est tombé dans l'anonymat absolu, quoi. Tu sais, moi, je sais que j'en mangeais petit, puis jusqu'à la préparation de l'émission, vide sidéral me concernant, quoi. Honnêtement, je pense que ça a vite périclité. Il y en a encore. J'ai cru comprendre qu'il y en avait. Ah alors, ça s'appelle plus Tubblegum, et c'est plus Léo. En fait, c'est plus le bonhomme. En fait, il y en a plus. Léo. C'est une espèce de tache ignoble sur le. Assez représentatif du produit, en fait, sur le sur la pochette, en fait. Mais j'ai pas regouté. J'avoue que j'ai pas. Ah non, moi, tu m'en feras pas manger. Hein. Ouais. Je me souviens. C'est marrant, comme quoi le goût, tout ça, c'est les souvenirs, ça reste. Mais je me souviens encore du goût, quoi. Plus la texture, en fait, qui était légère. C'est la texture, moi, surtout. C'était la texture. Ah, c'était ce sentiment de mâcher, mais de rien pouvoir faire avec. En plus, comme on jouait les cow-boys, on se mettait le tube complet dans la bouche, tu vois. Et c'était, ça faisait une grosse pâte d'air. Enfin bref, quoi. Et un bon appétit. Des bons produits comme on les aime, sans arôme artificiel, rien du tout. Alors on va basculer sur un petit choix que j'ai fait, le bonbon Polo. Le bonbon avec un trou. Ah oui, c'est quoi ça? Bien sûr, le bonbon polo avec un, le bonbon avec un trou. Alors pour revenir à l'histoire du bonbon polo, il y avait deux types de bonbons polo, les verts et les jaunes. Je vous laisse deviner les parfums. T'avais le polo jaune qui faisait cric cric cric et t'as le polo vert qui faisait bzzz. C'est un peu ça. Non, c'est un peu ça. C'est pas mal. Je valide. Non, les bonbons polo, en fait, la texture était relativement similaire au Pez, finalement. Des bonbons un peu durs. Et surtout, c'était le bonbon avec un trou. Ah, c'était la classe. Je c'était la tagline. Et il y avait écrit polo dessus, quoi. En relief. Je me souviens. Ouais, Dans des petits rouleaux façon Mentos. Avec un papier argenté entouré d'un papier où il y avait écrit polo. Pourquoi j'ai sélectionné ce bonbon? Parce que le côté bonbon avec un trou, je trouvais ça. Quelle idée. Voilà, c'est tout. Et j'en ai mangé énormément. Mais franchement, en termes de goût, parce que en gros, t'avais deux options comme souvent. Hein. Soit tu le suçais, mais le problème, c'est que il mettait des heures parce qu'il était assez dur quand même. Il était un peu. Tu croquais au bout de 5 minutes que t'étais soumis. Au bout de 5 minutes. Non, au bout de 3 secondes. Et du coup. Et du coup, tu tapais le paquet en 2 secondes. Et voilà, donc c'était la petite aparté. Moi, je m'en souviens, je prenais ça au citron. J'adorais cela. Ouais, ils étaient très bons. D'ailleurs, ouais. on va s'écouter la pub du bonbon polo. Quand on teste un bonbon à la menthe ordinaire en soufflerie, on constate que la fraîcheur ne passe pas au travers. Par contre, si l'on pratique un simple trou, on constate que soudain, la fraîcheur traverse le fameux bonbon. Polo, le bonbon le plus trou, là. Et voilà, les bonbons polo, pour les joueurs de polo, quoi. Ou alors pour les possesseurs d'un véhicule d'une marque allemande bien connue, on ne sait pas. Bon, alors on va basculer sur le prochain choix de Mikado, le bien nommé Mister Freeze. Autrement appelé le glaçon friandise. Exactement. Donc à ne pas confondre avec le film avec Schwarzenegger et dont Batman a des tétons sur son armure. Non, le Mister Freeze, moi c'était la glace par excellence qu'on adorait quand on était enfant, parce que vulgairement c'était un bloc de glace aromatisé au sirop, quoi, tu vois, et qui avait la particularité d'être en longueur, et donc tu pouvais il fallait pousser un peu le glaçon pour qu'il sorte un peu de son emballage, et après tu le suçais et à la fin, t'avais toujours plein de sirop et quand t'en foutais partout. Et puis t'étais content d'avoir le sirop, quoi. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette friandise, parce que quand il faisait chaud, on était content dans l'épicerie du coin, on était content d'acheter ça. Et à la réflexion, finalement, c'était pas très très bon comme glace, parce que c'était vraiment, je pense, du sirop. On pouvait le faire nous-mêmes. C'était bon quand même. C'était juste du sirop, tu sais, avec de l'eau et de la glace, tu vois, basta. Ah. Il y avait il y avait que des arômes. Et moi, je me souviens, j'aimais bien celui à l'orange. Et par contre, il y avait un truc dont je me souviens très bien, c'est que à l'époque, ils s'enquiquinaient pas avec l'ergonomie des produits. Et je me souviens que les bords de la glace étaient assez coupants, entre guillemets. Ouais, ouais. Ouais. Et c'était pas rare de pas se fendre, mais de faire des micro coupures, vous savez, entre les lèvres, en mangeant notre glace à cause du Mister Freeze, quoi. Mais d'ailleurs, c'était l'enfer à ouvrir ce truc. J'allais te dire, voilà, moi, ce qui m'embêtait le plus, c'était comment tu l'ouvres. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que à l'époque, il n'y avait pas comme on fait aujourd'hui où t'as l'emballage qui a au minimum une encoche pour que tu l'ouvres. Mais ça n'existait pas à l'époque, ça. C'est-à-dire qu'il fallait l'arracher avec tes dents et tout, t'en mettais partout. Tu te laissais une demi-dent au passage. C'est ça, tu avais la moitié de la glace qui tombait sur ton t-shirt blanc, enfin tout va bien, quoi. Et donc je garde un souvenir impérissable. Ça existe toujours, le Mister Freeze. Ouais. Honnêtement, j'en ai jamais racheté. Le seul truc dont je me souviens, c'est que tu avais des marques concurrentes qui s'étaient lancées dans le même créneau. Et c'était infiniment moins bon, quoi. T'avais le Mister Freeze, c'est comme si tu comparais du Coca-Cola à Lidl, ou du Virgin Cola, tu vois. C'est pas mauvais, mais c'est pas du Coca-Cola, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'était, c'est le truc où effectivement, vraiment, l'été quand t'es petit. En plus, du coup, c'est quand même moins mauvais pour la santé que des glaces bien crémeuses et tout, voilà. Ouais. Donc ça a rassuré un peu les parents. Ah, c'est comme un verre de sirop, ça réhydrate son petit. Ouais, ouais. Bon, ça donnait plus soif qu'autre chose, mais c'était sympa, quoi. Non, c'est vrai, franchement, qui n'en a pas mangé, je pense qu'aucun enfant... Moi, j'en mange encore. Bon, alors, on va basculer sur le prochain choix de Charlotte en la personne du Roudoudou. Qui d'ailleurs est également un choix de Mikado. Ça fait partie des produits où vous aviez, que vous avez sélectionné tous les deux. Ah, c'est marrant ça, j'aurais pas pensé que tu sélectionnerais ça, mais Si, attends, moi aussi j'ai du goût. Roudoudou, alors, de alors, tous les. Qu'est-ce que le Roudoudou? Le Roudoudou, c'est un. Bah, c'est un peu comme le Mr. Freeze, mais dans un coquillage et en moins froid. Oh non. Non, c'est un bonbon, enfin une espèce de, je sais pas comment dire. C'est un bon. Mais non, c'est un bonbon froid, dur. Oui, non, mais pas froid, dur, mais pas dur, pas spécialement c'est froid. Un truc que normalement t'aurais mis dans ta bouche pour sucer, je dirais. Mais quand en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Je suis désolée. Il va être content. En gros, tu prends un coquillage en plastique dur. Tu colles un bonbon dedans. Tu mets une sorte de liquide de bonbon qui est solidifié de couleur jaune ou rouge de mémoire. Rouge. Voilà. Et après, tu en baves comme pas possible pour arriver à le manger. C'est une sorte de truc où tu fais maso pour manger ça. Ça te prend des plombes et en plus, comme tu peux pas le manger en une fois, tu le poses toujours à des endroits stratégiques et genre voilà. Tu le récupères, il est plein de poussière. Ça a chopé. C'est clair que c'était pas souvent qu'on les terminait en fait quoi. Ah mais c'était impossible. Moi je me souviens juste de ma cousine qui était une acharnée du Roudoudou et en fait à la fin pour réussir à tout manger elle se l'enfilait carrément dans la bouche et elle se déchirait le côté de la bouche. Elle avait des aftes de ouf juste pour finir son Roudoudou. C'était une folle. On va passer 18 plus là. mais déjà moi ce qui me pose problème c'est le rapport entre Roudoudou et l'histoire du coquillage quoi. Je vois pas. Ouais, c'est comme dans Dailymotion Man avec les trois coquillages. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi je me souviens qu'avec ma sœur et ma maman, on les faisait nous-mêmes, on faisait des roux-doudous. Vous avez jamais fait ça? Ah non. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait une grande cuillère à soupe en argent et on mettait du sucre en poudre à bon escient dans cette cuillère, on la faisait chauffer au gaz et ça faisait un roux-doudou parce que ça faisait du caramel. J'ai donné des idées. Je pense qu'on va faire une petite expérience ce week-end. Hein, et je te jure, c'était super bon parce que c'était du bon caramel, quoi. Je me souviens plus, ça se trouve, on mettait autre chose, mais de mémoire, on mettait du sucre. Peut-être un peu d'eau, tu sais, pour faire un peu de texture, et puis c'est tout, quoi. De toute façon, pour faire du caramel, du sucre, puis ça suffit. Hein. Bah oui. Mais c'est vrai que c'était bon quand même, le roux-doudou, contrairement à plein de trucs qu'on a cités, tu vois. Enfin, au goût. Ça me saoulait tellement le coquillage que du coup je me souviens mais plus ça, du goût. Mais c'est ça, mais c'était tellement trucs, chiant que des fois, même si j'en avais envie, tu vois, je passais. Ouais, c'était une fausse bonne idée en fait, ce coquillage quoi. Mais c'est tellement cool aussi. Enfin, j'aime bien. Je trouve le bonbon, il est joli en fait. Rassurez-moi, ça n'existe plus. Si. Oh, ça existe encore. Ouais. Ouais. Dans cette espèce de vague un petit peu mode vintage, ils en ont et ça revient vachement à la mode. Mais il y a quand tu tapes sur internet friandises ou bonbons années 80. Les deux premières pages qui sortent sur Google, c'est deux sites qui sont spécialisés dans la vente de bonbons entre guillemets vintage, mais qui sont fabriqués aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah. Bah, il vaut mieux, ouais. Il y en a, oui, parce que. Ouais, attends, j'ai topé un look Raider. J'ai une palette de Raider là, tu vois, qui est valable jusqu'à décembre 88. Tu vas m'en dire des nouvelles, quoi, tu vois. Ok, bon, donc le roux doudou, apparemment, le paradoxe, quoi. À la fois bon, mais immangeable. Une sorte de Graal du bonbon. Ok, écoute, merci à vous deux pour ce magnifique choix. On va basculer sur le prochain de Mika, à savoir les bouteilles de coca. Alors bouteilles ou enfin les bonbons arôme coca. Alors moi les bouteilles de Coca-Cola, je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais été un grand fou furieux de bonbons. Mais alors j'avais un petit plaisir parce que souvent t'avais les paquets là, les Haribo ou les trucs comme ça où t'avais mille et un bonbons dans le sachet ou quand t'allais chez ta boulangerie et c'était tout le temps les bouteilles de Coca-Cola en gélatine et tout plein de sucre autour que je prenais parce que encore aujourd'hui j'en mange et c'est un truc que j'ai toujours adoré quoi. Et je pense être le seul parce que moi autour de moi je connais personne qui aime ça quoi. Moi j'adore ça quoi. Ah si. Par contre il y a deux écoles. Il y a la bouteille de Coca lisse. Oui. Et la bouteille de Coca avec le sucre. Alors j'aime les deux. Ah, oui, super. Monsieur, j'aime les deux. Mais j'ai quand même une petite préférence sur celle sucrée, tu vois, celle qui est... Celle qui pique. Oui, qui ouais. accroche un peu, quoi, qui ouais. est plus citrique. Quoi. Mais j'aime bien les deux, j'aimais bien les deux. Ah, et ça, lui. C'était vraiment, voilà, les souvenirs d'enfant, tu vas à la boulangerie, ta maman, elle te donne 20 centimes, 2 francs, et tu repartais avec tes 5 bonbons, tu vois, et t'étais content, quoi. Et puis, t'avais mangé la moitié de la baguette en arrivant chez toi, donc il fallait que tu retournes, mais bon, voilà, c'est des souvenirs. Voilà, c'est vraiment le souvenir d'enfant, et j'aime bien, j'en achète pas spontanément, mais quand je fais des anniversaires de mes enfants, des petits bonbons qui traînent, c'est ceux-là que je mange, quoi. Je laisse le reste, surtout quand, dès qu'il y a réglisse, tu me feras pas toucher, mais j'hésite pas à taper dans les coca, quoi. Alors, on appelait ça des coca à l'époque. Bah, sachant que c'est vrai que l'arôme coca, je pense, a été l'arôme limite le plus repris dans les produits, les bonbons, les chewing-gums, les sirops, les sucettes, ah, tout quoi. Ah oui, c'est énorme. Là, on peut en parler vite fait. Tu veux parler de quoi du coup? Ah bah des sucettes au coca, si on reste dans la thématique coca. Bon. Allez, okay. Ça c'est bon les sucettes. Bah, voilà, moi je c'était, là c'était pas prévu. Hein, alors après mais, les sucettes. C'est, je te laisse. En alors parler, moi c'était les Choupa Choups au coca. Ouais, voilà. Pareil. Point à la ligne, c'était pas autre chose. Tu pouvais me faire tester la générique, la Auchan, machin. Mmh. Je n'en voulais pas. Sécu, c'est moi clair. c'est la sucette bleue coca au coca. Ouais. Best sucette ever. Voilà, tout est dit. Ouais, mais là on repart un peu sur le roux-doudou. Honnêtement. Ah, il y avait au coca. Impossible. À ouvrir ces purées de sucettes là. C'est t'as ça. L'espèce de papier tout collé ah oui, au pied avec le petit tube, alors, mais c'est l'enfer. Alors ça c'est quand il a pris un petit coup de chaud. Ouais mais voilà. Même pas tu vois. C'est l'horreur. Même c'est l'horreur. Mais je sais pas l'espèce de truc blanc qu'ils mettent pour bien les serrer là. Genre t'es là t'en baves, t'es là tu veux je vais l'avoir ma sucette et manque de peau, t'as le truc tout qui vient donc t'as plus de bâton. Tu te retrouves avec la boule dans la main, limite cassée en deux parce que tombée par terre. Enfin moi j'ai. Ouais mais Choupa Choups c'est. C'est Zoul sur Amiga. Oh là là, non, c'est super. Ah, mais oui. Oh là là, zéro. Ah, je me souvenais. Là, je me souvenais. Choupa Choup, c'est super. Ah ben, super. Je me souvenais plus. Donc, ouais, non, mais bon, c'est vrai que les Choupa Choup, c'est super. C'est super. Allez, chute, hein. Allez, chute. Allez, chute. Allez, chute. Bon, après cette légère digression, on va se reconcentrer pour aborder le prochain choix de Charlotte, à savoir le pain d'épices Prosper. Ah mon Dieu. Oh, mais là, paradoxe. Alors, attendez, on n'est plus dans les bonbons déjà, mais je tenais à en parler. On est dans les friandises. On est dans les friandises, mais oh, c'était immonde, ce pain d'épices. Non, attention, celui-là, oui, mais il y a pire. C'est toujours pareil. Il y a le générique. Oui. Parce que, oui, honnêtement, voilà. Prosper, moi, j'en achetais. Je demandais à ma mère du Prosper pour le goûter, juste parce que la pub et le nounours, quoi. Évidemment. Vandamme qui faisait ça. C'est ça. Rien à voir avec Jean-Claude, mais. Et il avait son t-shirt Vandamme, là, dans sa pub. Et c'était ouais. Quoi la chanson de la publicité Prosper, youp, la boum, c'est le roi de la pénis. Et en fait, ce. Ouais, et ouais, on va se l'écouter, effectivement, avant d'en discuter. Ouais. Allez. Prosper, youpla, boum, il est fou de pain d'épice. Prosper, youpla, boum, le pain d'épice, quel délice. Le pain d'épice de Prosper, ça fait une formule tonnerre. C'est vraiment super. Excellent avec du beurre. C'est un très bon 4 heures. Mon Dieu, quel bonheur. Prosper, youpla, boum, c'est le roi du pain d'épice. Prosper. Pain d'épice, Vandamme, le pain d'épice de Prosper. C'est le roi du bonne nuit, les petits. Non, ouais, un peu, hein, bah, légèrement. Ouais, hein. Alors, petite anecdote quand même, parce qu'en révisant, j'ai appris que, en fait, c'est une reprise, la chanson, c'est une reprise de une chanson qui s'appelait Prosper de 1935 de Maurice Chevalier. Ah, et en fait, la chanson à l'origine, elle parle d'un vieux proxénète, tu vois. Et c'est horrible. Et en fait, dans la pub. Il vendait du pain d'épice à des jeunes mais filles. Mais dans la pub, l'ours, il fait danser 3 oursonnes. Ah! Coquine. Qui ont comme lui un t-shirt mais pas de culotte quoi donc là, c'est comme Donald quoi voilà je trouvais ça très fin que toi, voilà mais c'est... un t-shirt mais pas de culotte c'est magnifique et ben écoute on va s'en écouter un morceau. Quand on voit passer le grand Prosper sur la place Pigalle avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air malabar et sa démarche en canard. Faut pas être bachelier pour deviner son métier. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ses dames. Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il fait jamais rien lui-même. Et voilà. Le nounours me faisait un peu kiffer, mais c'est vrai que le pain d'épices, quoi qu'à l'époque, je ne connaissais pas le pain d'épices. J'ai connu le pain d'épices avec Prosper, en fait, si tu veux. Mais alors, bon, j'aimais pas ça, moi. C'était ignoble, hein. Mais un jour, j'ai goûté le vrai pain d'épices, le vrai bon pain d'épices que tu achètes à la boulangerie, tu vois. Alors, dessus, là. Bien, les gros morceaux de sucre, là. Moi, j'aime toujours pas. Ah oui, les trucs de Saint-Nicolas, là. Ah, oh, si, c'est trop. Mais j'aime toujours pas, mais le pain d'épices industriel, c'est juste pas possible, quoi. Les gens qui aiment le pain d'épices ne doivent pas manger du pain d'épices industriel. Il y a des pareil. Trucs, tu sais, les brownies, le savane, tout ça. Ça existe encore, le pain d'épices comme ça? Je sais pas. Le Prosper. En tranche industrielle, parce que franchement, ça faisait évidemment, en collectivité, ça existe. T'arrives, tu commences à le manger. C'est entre le pneu de Malabar et. C'est horrible. Le môme, il a pas été sympa, tu achètes du pain d'épices, quoi. Et pour essayer de te refaire, moi, je sais que quand j'en avais, histoire de faire plus léger, tu vois, tu prends un peu de confiote, que t'étales dessus, pour essayer de changer le goût. Oh non. Oh là là, pour essayer. Moi, je mange pas. Ah non, mais moi, tu vois, il y a deux parfums que je déteste. C'est le pain d'épices et le réglisse, quoi. Je suis désolé. La réglisse aussi, j'aime pas, mais alors le pain d'épices, c'est le pas bon possible. Pain d'épices. Moi, c'est pas possible. Tu en ramènerais du vrai un jour, tu vois. D'accord. Du vrai de chez nous. Merci Charlotte pour ce gros nounours. Pain d'épices des Vosges. Oui, c'est ça. Le petit bonbon lavogienne. T'as pas mis dans ta sélection, c'est vrai, tiens. Ah non, c'est vrai. Pas très 80s. Quoique. Alors donc, puisque vous adorez ça, je vais quand même vous parler un peu de mon prochain choix, à savoir le cocobat. Est-ce que vous savez ce que c'est que le cocobat? Alors le cocobat, c'est ce qu'on appelle, et là je vous demande de rester dans cette émission, le réglisse fourré. Alors le cocobat. Alors déjà, un problème que j'ai, c'est pourquoi cocobat? Puisque il n'y a absolument pas de noix de coco, mais par contre c'est quand même un bâton. Mais cocobat, Ah bah non, c'est pas le rouleau, c'est le bâton de réglisse. Ouais, c'est ça. Avec je pensais que tu disais. C'est le petit bâton avec le fourrage rose ou jaune. Non mais c'est. Ça me dit rien. C'est de la pâte d'amande qui est dedans en fait. Non, c'est pas de la pâte d'amande. Je n'aime pas la pâte d'amande. Donc je peux te dire que vu les tonnes de réglisse. C'est ça qui fait que de temps en temps j'arrive à en bouffer un parce que je me concentre. C'est pas de la pâte d'amande. Je te le certifie. C'est une sorte de pâte sucrée, mais c'est pas de la pâte d'amande. Et donc là, plusieurs types de cocobat. Enfin, le cocobat, le vrai, c'est le bien court avec le fourrage rose ou jaune. Et après, ils ont sorti. Carrés, là. Attends, on ne s'emballe pas, on respecte le cocobat. Après, ils ont sorti des cocobat géants. Où limite le truc fait 30 cm, tu trouves ça dans les foires, dans des grosses caisses en plastique, au milieu des languettes roses et tout ça. Ça me dit rien du tout. Les bâtons, genre Hannibal Smith à côté, son cigare, c'est des barreaux de chaise, quoi, non? Ah oui, c'est des trucs énormes. Et donc, c'est fourré, c'est les cocobats géants. Et après, effectivement, il y a l'autre approche qui est les petits en forme carrée, où là, du coup, c'est l'inverse, c'est le fourrage qui est extérieur. Ouais, et ceux-là, ça va parce qu'il y a plus de pâte. Voilà, et c'est la réglisse qui est juste en couche intermédiaire, comme le jambon dans un sandwich. Donc voilà, donc j'adore les cocobats, quoi. Dans les boîtes de Tirli Bibi de chez Haribo, pour ne pas les citer, je recherche les cocobats, c'est extraordinaire. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, donc j'avoue que... Et puis je peux me faire un petit combo ultime, pendant que j'ai la parole, avec les bâtons de réglisse. Est-ce que vous vous souvenez? Alors là, je l'ai pris. La racine, en fait, c'est la racine. Alors là, j'ai pris ce bonbon parce que je trouvais ça, mais immonde. Ah oui. Je voyais mon grand-père qui chiquait ce truc-là. Et je me disais, crachait dans le pot et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me disais, mais il mange des branches. et donc, avant de savoir ce que c'était, je me disais, mais attends, mais ça se trouve, j'étais vraiment petit. Hein. Et j'ai chopé un morceau de bois et je le mangeais aussi. Mon grand-père, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais comme toi. Il dit, mais non, mais c'est un bâton de réglisse. Mais c'est quoi un bâton de réglisse? Et donc, il a commencé à m'expliquer pourquoi le bâton de réglisse, pourquoi ça pouvait se manger, qu'on pouvait pas manger n'importe quel morceau de bois. Ce qui m'a bien servi par la suite, sinon, ça aurait été compliqué. Et donc, après, j'ai essayé de manger du vrai bâton de réglisse. Mais je sais pas si vous avez déjà goûté ce truc-là. C'est infect. En plus, ça filandreux et tout. Mais oui. T'as l'impression de manger des haricots verts filandreux avec un goût de réglisse. Mais tu sais, des haricots, les manches tout, là, les bien durs. Enfin, je sais pas. Et apparemment, ça a été très en vogue, pareil, dans les années 80. Bon, ouais, c'est ouais. À mon avis, là, pour le coup, je sais pas vraiment si ça existe encore. Alors, on va enchaîner, hein, histoire que vous soyez pas complètement dégoûté. On va basculer sur une boisson un peu naturelle, quelque chose qui désaltère et qui fait qu'après, vous ne buvez plus pendant 3 jours, à savoir le Tang, choix de Mikado. Ouais, le Tang, moi, j'avais une grande histoire d'amour parce que j'adorais le Tang, quoi. C'est à l'époque, c'est l'argument commercial, c'était la boisson, je suis plus proche du goût de l'orange, tu vois. Voilà, c'était vraiment ultra chimique, ça aurait pu être vendu dans les produits de désherbant, genre Monsanto ou tu vois les trucs comme ça, tu vois. Mais nous, on adorait ça quand on était gosses parce que en fait, t'achetais ça te parle, Charlotte, le Tang ou pas du tout? Oh ouais, mais moi j'aimais pas ça. Donc. D'accord. Grosso modo, t'avais un sachet. Plus ou moins grand et en fait nos mamans versaient ça dans un énorme broc en verre et après mettaient de l'eau bien fraîche et on était content, on buvait du Tang et on était content parce que on avait le droit de déchirer le sachet en aluminium qui était vidé pour d'après toi avec le bout du doigt humide lécher la poudre de Tang évidemment. Qui était absolument bon. J'avais une copine, elle achetait les sachets juste pour les bouffer comme ça en fait. Mais moi j'en ai vu des comme ça et en fait ça n'existe plus, je pense, depuis la fin des années 80 en France. Bah, ça a été interdit. Hein, toi, pas du tout. Figure-toi, je crois qu'on en avait déjà parlé, ouais. Que ça existe toujours en Espagne. Tu peux encore en acheter. Ouais. En France, c'est pas toléré quoi. Donc voilà, Tang. Je serais très curieux de regoûter parce que je sais que j'adorais ça enfant. Je crois que sur le site en question où ils vendent des vieux bonbons, il y en a qui vendent du Tang. J'allais le dire, mais j'ai encore mieux. Mais déjà, on va s'écouter la pub. Teasing. Pour avoir le bon goût de l'orange, essayez donc ce mélange. Mettez du Tang, mettez de l'eau. Ça a la couleur du fruit, ça plaît aux grands aux petits. Faites Tang, Tang. Déjà du bout du nez, c'est pour ceux que ça plaît. Faites Tang, Tang. C'est pas de l'orange du tout. La saveur de l'orange. Donc, comme je le disais, j'ai trouvé du Tang à Clermont-Ferrand, pas plus tard qu'il y a un mois, dans un magasin, une épicerie portugaise. Ah oui, bah oui. Ah bah voilà. Bah oui. Et oui. Et ils vendent du Tang. Il y a 2-3 parfums de Tang. Ils vendent du Tang sans problème. Voilà. Donc voilà, faut passer par les boutiques d'import, quoi. C'est comme. Et alors, tu l'as acheté? Ma femme m'a dit tu me reposes ça tout de suite. Oh, c'est pas lourd. Rassurez-vous, je reviendrai tout seul. Bien sûr. Non, alors par contre, moi, ce que ça m'évoquait quand j'étais petit, c'était la boisson des cosmonautes, parce que à l'époque où il y avait la conquête spatiale, on nous parlait des choses un peu lyophilisées, oui, exact. Voilà, et les trucs des cosmonautes, voilà, et du coup le Tang, quand j'ouvrais ce truc qui était en alu à l'intérieur. Ça m'évoquait la boisson des cosmonautes, quoi. Et à la limite, je me disais, mais les cosmonautes, ils ont, de toute façon, l'eau, c'est plus compliqué, parce que ça fait des boules, comme dans Objectif Lune, ou, voilà, dans Tintin. Mais, en gros, peut-être pour le boire dans l'espace, tu bois la poudre directement, tu vois. Et sauf que, je sais pas si vous avez déjà goûté vraiment beaucoup de poudre sans eau. Non. Je l'ai fait, et ben, honnêtement. Ah, c'est violent, hein. C'est pas pour les fiottes. Ça arrache. Je pense que ça te nettoie bien dedans, à mon avis. Ah ouais. On sent bien le goût du fruit, quoi. C'est... Enfin voilà, donc effectivement le Tang. Alors c'est pareil, pourquoi Tang? Des amis asiatiques, frère Tang. Voilà. Non, parce que tous les produits importés dans les épiceries asiatiques, c'est Tang frère, tu vois. Donc ça me fait marrer à chaque fois. Par Tang frère. Voilà, Tang frère, ils sont, je sais pas combien. Alors autre choix de Charlotte, les colliers de bonbons. Alors, à mon avis, le collier de bonbons, on va pouvoir y greffer d'autres choses, mais vas-y Charlotte, parle-nous. C'est un petit peu comme le roux-doudou en fait, c'était peut-être un peu moins chiant à manger, mais c'est le truc, tu le finissais jamais en fait. Alors, écoute, qu'est-ce donc déjà? Alors, c'est un collier avec des petits bonbons, enfin c'est des bonbons perles finalement, qui sont tout autour d'un collier, et c'est un ressemble un peu au pèse en fait, au goût et puis à la texture. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... Le truc, en plus, ça te bousille les dents, quoi. C'est le truc, tu croques dedans, tu te bousilles les dents, quoi. Bah, là encore, enfin, je puis me permettre, il y a plusieurs approches dans le collier. C'est-à-dire que soit tu commences à essayer d'en isoler un, oui, tu commences à le sucer légèrement, et en fait il te gave très très vite. Et après, t'en prends 4 ou 5. Tu mets un gros j'étais juste chico, pas patient. Déjà, tu mets un gros coup de chico et voilà, tu croques direct. Je vois pas d'autres. C'est clair. Voilà. Et puis, t'espères qu'il n'y en ait pas trop de morceaux qui tombent, parce que des fois, il y en a qui se cassent et qui tombent. Moi, j'aimais pas trop ça. J'en mangeais, hein, mais j'étais content, parce que je sais pas pourquoi les colliers, c'est un truc qui nous a bien marqué, mais j'étais pas spécialement fan, quoi. C'était peut-être plus un truc de fille, du coup. Tu vois, non. Ah ouais, parce que j'ai une grande sœur, peut-être c'est pour ça aussi, quoi. Voilà. Moi, ma fille, pour le coup, le pizzaiolo à côté de chez moi a un bocal où il a des colliers Je confirme. Des colliers. Ouais. Comme ça. Et ma fille tient à m'accompagner pour aller chercher les pizzas à chaque fois pour avoir un collier. Ah, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne peux que le confirmer. Elle est complètement déçue, quoi. La pizza, elle y pense même pas, mais son collier, c'est ah, le type, il a tout compris au commerce, hein. Oui, c'est ça. Et elle finit son collier de bonbons, elle y arrive et tout? Ah bah oui. Oui. Alors la deuxième approche, c'est son frère qui lui a encore du mal à croquer, et lui il les lèche. Oui, donc, et ben mon et après fils il le repose. Exactement, c'est ignoble. Et tu te dis, je vais en manger un sur la commode de la grand-mère. Tu sais. Et en fait, c'est tout collant et tout. Enfin bon, c'est ignoble. Là, c'est comme le rododou tout à l'heure. C'est posé par terre, ça chope toutes les bouses au passage. C'est immonde. Ouh. Voilà. Mais par contre, en termes de type de bonbon, ça se rapproche beaucoup de la sucette. Mais la sucette, vous savez, un peu plate, là. Ah oui. Le rebord. Ah, exact. Voilà. C'est la même technique. Et même. Ah, je n'aimais pas celle-là. Voilà, il y avait des sifflets. Il y avait de la poudre dedans, je crois, un truc comme ça, non? Dans cette. Ah non, il n'y avait pas de poudre. Non, c'était du bien dur. Et du coup, un petit bâton blanc à la choupe à choupe. Exact. Mais du coup, tu te frottais la langue. Alors, du coup, ça donnait la langue des différentes couleurs, forcément. Ouais. Et c'était un peu comme si tu avais fait un concentré de plein de bonbons colliers dans une sucette. Voilà, Histoire de rester dans le délire de langue couleur, là je me fais un petit flashback, on bouffait aussi des schtroumpfs nous quand on était petits. Oh, mais... c'était ignoble. Ah, moi j'adorais ça. Oh, quoi. Les trucs mous comme ça, franchement c'est gerbant. Ouais. Et t'étais content quand t'avais le grand schtroumpf parce que c'est le seul qui avait pas, qui était pas genre bleu, tout bleu, quoi. Oui. Tu vois. Et t'étais fier parce que t'avais la langue qui était toute bleue après. Ah, toi t'as mangé des schtroumpfs. Ah oui, t'as quand même elle. T'as pas été ça. C'était comme les boules magiques là, les gros chewing-gum tout bleus. Tu les mâchais, après t'avais la langue. Ah, c'était dégueu ça aussi. Toute la bouche. Ah, je m'en souviens. Ah ouais, allez, c'est parti. On a acheté ça juste pour avoir la tronche bleue. Allez, boules magiques, c'est parti. Ouais. On est obligé d'en parler. Allez, boules magiques. Charlotte, t'as lancé le débat. Boules magiques, c'est parti. Ah, c'était un peu comme le malabar. Ça faisait un petit peu mal à la mâchoire. C'était tellement énorme et tellement dur. Mais c'était effectivement pas très très bon. Mais c'était vraiment juste pour avoir. Pour avoir la tronche bleue, quoi, en fait. C'était le petit truc, moi, c'est ça que j'achetais quand j'allais chercher du pain et qui me restait 10 ou 20 centimes, je sais plus combien ça coûtait à l'époque. Mmh. Et c'était la boule magique, quoi. C'était le. Alors, pourquoi magique? Ah. Ah, parce que moi, j'en ai mangé, pareil, des kilos. Et la boule magique, en fait, je pense, a priori, parce qu'il y avait deux effets, là encore, sur la boule magique. C'est-à-dire qu'on la mettait en bouche, forcément. Et elle était quand même assez grosse, genre type une balle de baby food. Ouais, c'était assez énorme. C'était un truc qui te voilà, t'avais ça dans la bouche, waouh. Il y avait pas des taches ou je sais pas quoi dessus, tu sais, de couleur ou. Oui, non, t'avais t'avais plein de goûts bizarres, t'avais pour le coup des goûts assez bizarres, mais c'est surtout que donc au bout d'un moment c'était très dur, et donc fallait que tu le casses, et après au final ça te faisait un chewing gum, la boule magique, tu vois. Ouais. Ça se transformait en chewing gum, et au final tu te retrouvais avec un chewing gum. Donc je pense que c'est pour ça que ça doit s'appeler boule magique, tu vois. Mais moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté vraiment super dur. Il fallait vraiment que tu t'emploies ou que tu la gardes pendant très très très très très longtemps en bouche avant qu'elle daigne se casser, quoi. Parce que si tu arrivais direct avec ta boule magique, franchement tu avais tout. Alors puis en plus les parents, ouais, alors tu vas encore aller chez le dentiste, et voilà, ah ouais, c'est plus tes dents de lait, blablabla, enfin bon bref, si tu te casses une dent. Et donc c'est vrai que les boules magiques, je me rappelle d'ailleurs, il y avait une sorte de sorcier sur les paquets là, une espèce de, comme Merlin l'enchanteur, tu vois, avec comme une baguette magique. Ouais. Je vois tout à fait les sachets des boules magiques, et il y en avait effectivement qui étaient bleus, surtout bleus d'ailleurs, j'ai beaucoup de bleus. Voilà, donc la boule magique, pas chimique du tout non plus. Non plus, pareil. On va basculer sur ce qui a dû déclencher des carrières de musiciens, à savoir les sifflets, puisque nous avons eu affaire également aux bonbons en forme d'instruments. Alors écoute, Mikado, le sifflet est ton choix, je te laisse en parler. Bah, le sifflet, si vous vous souvenez, en fait, c'était un vrai sifflet en plastique qui faisait un bruit assez épouvantable. Et quand on l'ouvrait, ça faisait, comme entre guillemets, on disait que c'était du rouge à lèvres, quoi. Ouais, c'est ça. C'était... Et en fait, à la réflexion, je pense que c'était la même texture que les fameux colliers. Exactement. Ouais. Sauf que c'était beaucoup plus simple à manger parce que c'était un bâton, donc tu pouvais le sucer assez facilement. Et puis, le petit plaisir coupable, c'était d'aller siffler le plus fort possible. Voilà, en fait, le bonbon était totalement secondaire. D'acheter ça pour siffler comme un gros bêta au milieu de la rue, quoi. Sachant que moi j'ai connu des sifflets, mais où le sifflet était le bonbon. C'était pas en plastique. C'est-à-dire que là, t'avais un petit bâton et le sifflet c'était le bonbon. Sauf que là, t'étais partagé entre deux sentiments. C'est-à-dire que tant que t'avais pas mangé ton truc, tu pouvais siffler dedans. Mais à un moment, le truc était tellement fondu que tu pouvais plus siffler dedans. Et donc, moi je me souviens très bien de ces sifflets, je revois encore le dessin avec une sorte de personnage en forme de sifflet, forcément. Évidemment. Les paquets jaunes, oranges ou rouges. Et voilà, donc je sais plus le nom, mais voilà, c'est pareil, c'était des sifflets, mais c'était vraiment pas en plastique, c'était tout le bonbon qui était un sifflet avec un petit bâton au milieu. Donc, hormis ce choix musical, nous avons aussi sélectionné les graines de tournesol pipa. Alors, Mikado, oui. Je te laisse seul. Alors ça, c'est marrant, parce que ça existe toujours. Moi, j'ai des collègues qui adoraient en manger. Vous savez, c'est les graines de tournesol avec le clown sur le sachet. Ça te parle, ouais. Charlotte? Ouais, il fait peur, le clown. Non. Il y en a des plus glauques. Hein. Il y a des Ronald McDonald qui font vachement plus flipper. Je n'aime pas trop les clowns, en fait. Je mangeais pas ça. C'était comme un sketch de Coluche, c'est-à-dire quand tu mangeais des graines de tournesol, c'est comme les artichauts, c'était le plat du pauvre entre guillemets, parce que t'en avais plus que avant d'avoir attaqué, quoi, tu vois. Mais c'est ça, mais en fait je me suis toujours demandé ce qu'il y avait à bouffer là-dedans, en fait. En fait t'enlèves l'écorce et tu manges la graine qui est. Mais en fait moi j'aimais bien sucer l'écorce, c'était tout salé. Bah oui, parce que voilà, c'était salé. De mémoire c'était super salé. Après la graine, moi je crachais tout, quoi, parce que la graine n'avait aucun intérêt, tu vois. En plus c'était super chiant quand tu cherchais. Voilà, il y avait plusieurs écoles, il y en avait qui comme toi et moi qui faisais les deux, tu vois. Et c'est marrant parce que je suis pas un fan absolu, mais je sais qu'on en boulottait des tonnes et des tonnes enfant, et à ma connaissance, dans tout ce qu'on a nommé, c'est un des rares produits entre guillemets qui à l'identique aujourd'hui, quoi, qui existe encore, quoi. Puis qui est un peu plus naturel peut-être que tout ce qu'on a cité. Alors oui, façon de parler, mais je pense en plus ils ont noté, ils doivent marquer teneur en sel réduite, tu vois, enfin, ouais. Parce que c'est vrai que dans mes souvenirs, le premier truc qui revient c'est ultra salé, quoi. Horrible. Ah, j'en ai des vraiment mauvais souvenirs. J'avais pareil des copains de classe qu'on mangeait, mais des tonnes. Ils avaient leur sachet en permanence. Et puis souvent, moi j'ai plus des souvenirs de collège, tout ça. Ils en boulottaient, puis la plupart des gens qui mangeaient ça n'avaient aucune tenue élégante, c'est-à-dire qu'ils le crachaient par terre. À la fin, il y avait des cadavres à ses pieds, tu vois. Enfin. Ah oui, ça faisait caïd, tu vois. Voilà, j'ouvre des graines de tournesol. T'as des gens qui chiquent, les adultes, et puis t'as les mômes qui mangeaient des on appelait ça des pipasol à l'époque, quoi. Finalement, le chimique, c'est pas mal. Hein. Le rustique. Voilà. Bon, on va parler des carambars. Charlotte nous a choisi des carambars. Je te laisse en parler, Charlotte. Mais les vrais carambars au caramel. Ah oui. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Voilà, c'est ça. Ça n'existe pas, la fraise. Non, mais dans les années 80, moi, on m'a demandé de parler des années 80, donc moi, je parle des carambars au caramel. Alors déjà, le carambar, c'est quand même super bon. Ah ouais. Il y avait des pubs exceptionnelles. Des blagues. Ah non, les pubs. Non, mais attends, j'en suis pas là encore. La pub, il y avait une pub géniale, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec quatre gamins qui attendaient à l'arrêt de bus. Avec nous, attends, Charlotte, on va se l'écouter. On va se l'écouter. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Brochu. Ferme ton manteau, tu vas prendre froid. Et toi, tiens-toi droite. Oh, si j'étais ta mère, je t'enterrais chez le coiffeur. Mais c'est beaucoup trop long tout ça. Ah ouais, carambars. Johnny. Oh maman, quelle surprise. Tu es sorti sans tes gants. Tu n'as pas honte, Johnny. Ah ouais, carambars. Et voilà, et cette tube-là... Pas du tout, quoi. Elle était juste exceptionnelle, en fait. Moi, je me souvenais bien de... Évidemment, on en a parlé dans notre tout premier épisode sur les pubs ultimes de le Aldo Machon avec Aboudou Flich, là. On vous invite évidemment à écouter ou à réécouter. Mais celle-là, ça me disait rien du tout, quoi. Je m'en souvenais pas du tout, quoi. Ah bah moi, je me souvenais plus de celle-là, du coup, tu vois. Ah, c'est marrant. l'autre. Enfin bon, j'avais souvenir des deux, mais c'est vraiment celle qui me faisait bien marrer. Donc déjà, c'était bon. Hein. Et puis en plus, les blagues carambars. C'est un peu comme les carambars d'aujourd'hui. Enfin, la différence entre ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait aujourd'hui. Ça fait un peu mémé, là, mais il y avait des bonnes blagues carambars, non, à l'époque. Ou alors c'est moi qui ai mal vu. Mais vous savez que les blagues carambars, ça a été carrément édité en livre. Et ce livre, je l'ai sous les yeux. Alors, est-ce que vous souhaitez que je vous en lise 2-3, mais piochez au hasard, quoi. Mais c'est les vraies blagues carambars, genre les bonnes blagues carambars. Oui, oui. Ça s'appelle Les blagues carambars, édité chez Michel Lafon. Voilà, donc je vais vous lire celle qu'il y a sur la couverture. Qu'est-ce qu'on tire par les oreilles avant de tirer la langue? Wow. Eh ben, carambar, voilà. Alors, dans la série Amuse tes amis, voyons Romain, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas écrire sur les murs, c'est sale. Mais papa, je n'écris que des noms propres. Ah, elle fait notre hasard, après on passe à autre chose, on a perdu les gens là. Alors, monsieur et madame du ciel viennent d'avoir des sextuplés. Comment les appellent-ils? Oh bah, sextuplés, ça fait... Alors, réponse, Betty, Baba, Noël, Candy, Tess et Andrea, car petit papa Noël quand tu descendras du ciel. Waouh. D'accord, bon, elle est une petite dernière, totalement au hasard, sans queue ni tête. Qu'est-ce qu'une souris sans sa perruque? Une chauve-souris. Wow, alors là, pas mal. J'applaudis. Et puis, elle a le livre aussi. Le livre, je le range parce que je sens que je vais me faire virer de l'émission. Non, parce que je suis fan de Batman. Allez. Voilà. Eh ben, écoutez, rien à... Merci pour cette interlude. Rien à ajouter sur les carambars. Bon, bah écoutez, merci pour ce magnifique choix de carambar. On va basculer sur un petit choix de ma part. Est-ce que vous savez ce que c'est que le fluo-gomme? Alors, le fluo-gomme, c'est surtout la pub qui, pareil, m'a marqué. Donc on va se l'écouter. À gauche, une femme qui mâche du chewing-gum. À droite, une femme qui mâche du fluo-gomme. À première vue, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Dans fluo-gomme, il y a du fluor. Et le fluor, c'est bien pour en pharmacie. Maximum 6 tablettes par jour. Fluo-gomme. Alors en effet, effectivement, la pub du fluo-gomme, c'était le côté un peu santé bucco-dentaire. Il y a du fluor, c'est bon pour les dents. Voilà, donc ça te donnait un peu bonne conscience quand tu mangeais. Complètement occulté ce truc-là. Parce que le fluocaryl, dentifrice fluocaryl, quand t'allais chez ton dentiste, il disait ah oui, il faut acheter ce dentifrice, c'est bien. Alors, bref. Donc voilà, c'est juste pour la pub où à gauche cette femme mange du fluor, machin. Voilà, donc fluo-gomme, la friandise sponsorisée par les dentistes. Les dentistes. Voilà. On va basculer sur le dernier choix de Mikado, en la personne du Kinder. Le Kinder, c'est une marque allemande. Hein. La Kinder, ça veut dire enfant, non, en allemand? Oui, c'est Ein Kinder et voilà. Voilà. Et puis, j'aimais. Non, Ein Kind. Kinder Surf. Voilà. Et moi, j'aime bien parce que les Kinder, c'était avant tout le Kinder Surprise. Donc, le chocolat qui était très très bon. Moi, j'adorais le chocolat. Et puis. Chocolat des Kinder Surprise. Ouais. Et les surprises, elles étaient trop bien. Et les surprises, elles étaient bien. Puis c'était la fameuse époque où il n'y avait pas de polémique. Quand l'œuf il s'ouvrait, il s'ouvrait en deux, basta. Ben, ils ont changé ça depuis parce qu'il y a des parents qui ont estimé que les enfants pouvaient les avaler. Enfin. Bah non, mais il y a une gamine qui s'est étouffée avec un demi-œuf hein, quand même. D'accord. Oh, alors, enfin, c'est quoi, sur des milliards. Un pourcentage de perte, je veux dire. Oui, non, mais voilà, mais ça, c'est. De toute façon, tu laisses pas ton gamin de 3 ans ouvrir son Kinder. Eh ben voilà, t'as tout résumé. Ben, voilà. Ça s'appelle la vigilance. C'est comme ça pour tout, hein. De toute façon, oui. Les gens, ils font leur mâcher le travail aujourd'hui. Et je me souviens pas très très bien des joujoux qu'il y avait dans les Kinder. Enfin, il y avait des trucs de fou. Toutes les collections, là, de petits bonhommes. Enfin, il y avait. Les jouets de l'époque, ou toutes les petites voitures à construire avec plein de mini-mots. Exact. Ça, j'allais dire qu'il y avait des robots, mais je crois que je confonds avec autre chose, quoi. Enfin, le truc aussi que j'aimais bien, parce que moi, je me souviens peu des joujoux ou des jouets. En revanche, le chocolat, je trouvais qu'il était très bon parce que c'était plus de lait et moins de cacao, tu vois. Alors que maintenant, quand on est papa, vas-y, je veux mon chocolat noir, minimum X%, toi, tu vois. Ah, non, il est quand même assez gras. Ce... Ah ouais. Et moi, ce que j'aimais aussi par-dessus tout, c'était le fameux Kinder, mais les bâtonnets. Kinder Maxi, non, c'est pas ça? Non, c'est venu après ça, mais les Kinder tout bête. Et c'était marrant parce que le môme, il y avait une rumeur qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Et ça a été démenti d'ailleurs, ils l'ont retrouvé, l'enfant d'époque. Mais il y a, quoi, il y a moins d'une dizaine d'années, il y avait une rumeur comme quoi l'enfant sur cette photo, c'était Nicolas Sarkozy. Parce que je crois que son père travaillait dans la publicité, et notamment il avait eu, je crois, Kinder en client, ou quelque chose comme ça. Et de fait, association d'idées toutes bêtes, c'est vrai que le môme, il lui ressemble un petit peu quand il est enfant. Et il a été retrouvé, là, il n'y a pas très longtemps, et en fait, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Et je vous invite à écouter la publicité. Et ben, ce qu'on va faire tout de voilà. suite, d'ailleurs. Papa, papa, tu nous offres une gourmandise, s'il te plaît. Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Le chocolat qui a plus de lait. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. J'ai l'impression que ça va mieux, hein? Ah oui, papa. Merci. Bravo, papa. Les enfants aiment Kinder Chocolat, et moi aussi. Kinder Chocolat, le plus de lait. Ouais, j'ai un tout petit peu triché parce que la pub, elle date de 1993. Mais moi, elle m'a marqué, quoi. Tu sais, le côté « Papa, papa, tu nous as fait de friandises !» Ah, il va falloir être très, très sage avec papa s'il faut fouler de friandises. Mais voyons, Michel. Mais Michel, j'ai toujours des friandises dans mon placard. Enfin, voilà, tous les clichetons, tu sais, allemands. Ouais, mais il y en a eu plusieurs, hein, de toute façon. Donc, je pense qu'il y en avait dans les années 80. Oh, peut-être qu'on mettra ça en bonus si on trouve. Mais, voilà, tu parles Kinder, c'est cette pub-là qui me revient en tête. Et c'est vrai que si tu écoutes que l'audio, ça peut être pas mal aussi, bien déformé, quoi, tu vois. Mais, tout ça... Évidemment, on revient sur le sujet. Pareil, ça m'arrive très régulièrement d'en acheter pour mes enfants et pour moi. Et j'ai déjà essayé d'acheter genre du Kinder, mais pas Kinder, tu sais, où il y a écrit Auchan ou je sais pas quoi dessus. Ouais. Et c'est pas bon. Et les enfants, ils les mangent pas non plus, quoi. Et j'avais acheté pourtant un truc avec la marque Marvel, il y avait des trucs Spider-Man, j'avais acheté ça à Pâques. Franchement, tu sais, il y a des marques comme ça où tu peux pas acheter autre chose parce que tu sais que c'est pas bon. Tout ça pour résumer, le Kinder, c'est encore une friandise que j'aime manger et que j'offre volontiers en fait à mes enfants. J'en achète un et je m'en offre un à chaque fois, quoi. Par contre, mon père, à chaque fois qu'il vient à la maison, il emmène des stocks de ouf de Kinder. Il achète 5, 6, 7 boîtes, super, des Kinder en barre et tout. Sauf que c'est mon mari qui les mange devant la télé, en fait. D'accord. Voilà. Par contre, il faut se méfier de pas les laisser, mais ne serait-ce que dans la température ambiante, faut un peu les isoler parce que moi, j'en avais laissé un peu et fondu, mais tu peux pas les rattraper. C'est foutu. Hein. Je veux dire, elle a beau dire qu'on en a toujours. C'est biodégradé le truc. Je pense que si le placard il est un peu chaud. Quand c'est au frigo, c'est pas bon, quoi. Après. Mais voyons, Michel. Ah bah ça tourne au. C'est du pyrénéen pour allemand, quoi. Mais voyons, Michel, j'ai toujours mes Kinder au frais. Qu'est-ce que tu. Pourquoi t'as laissé les Kinder au soleil, Michel? Hein? Par contre, oui, juste un dernier truc sur les surprises. Il y en a quand même qui sont vraiment pourries, hein, des petits jouets. Ouais, je trouve qu'ils sont cheapos aujourd'hui, quoi. Ouais, ils sont très cheapos. J'en garde des super souvenirs à l'époque. Enfin, c'était des souvenirs d'enfants qui parlent toujours. Ouais, mais même, enfin, aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est soit des toupies, soit des. C'est que des trucs à licence. Ou alors, tu sais, c'est des sortes d'avions où tu déplies les ailes et tout, mais ça marche pas. Le jouet, il dure 20 secondes. C'est tout cheap. Moi, c'était des. Franchement, ils ont pas mis des mecs qui ont des brevets d'aéronautique. Hein, parce que tu jettes le truc et. Il y a des jouets différents. Le truc débile, en plus, l'espèce de tampon. Genre, ma fille, à chaque fois qu'elle en a, elle m'en colle partout, quoi. C'est l'horreur. Pour rester dans cette thématique, on va parler du dernier choix de Charlotte, à savoir les cigarettes en chocolat. Alors, c'est marrant, j'ai hésité à le choisir, ça. Alors là, je crois qu'on peut dire que ça n'existe plus. Bien sûr que si. Mais moi j'en ai vu encore récemment. Franchement, hein, ça c'est pas en France, mais ça existe encore. Dans une boutique d'import portugaise. Pas portugaise, mais italienne. Et ben voilà, en France, ça n'existe plus. Non, mais je suis d'accord, en France, ça n'existe plus. Ouais, ça a été interdit même. Loi E20, tout le bazar. Ouais. 93, je crois. 91. La loi E20, c'est 91, mais par contre, effectivement, peut-être qu'ils ont interdit les cigarettes en chocolat qu'après. Donc, qu'est-ce que la cigarette en chocolat, Charlotte? C'est une cigarette en chocolat. Ah oui, mais comment c'est fait? C'était présenté comment? Voilà, quoi. De chocolat, et puis autour, il y avait un papier. Alors, question. J'ai une question pour vous. Est-ce que le papier se mangeait ou non. pas, en fait? Ah non. Si tu l'as mangé, je pense que. Je mangeais le papier. T'as pas lu l'assimiler, je pense. Hein. Il a dû repartir. Le problème, c'est que c'était l'enfer d'enlever le papier. Ça prenait des plombes. Et moi, ça me saoulait. Et en fait, le papier, je mangeais le papier avec. Ah, puis ça, c'était une horreur à manger. Moi, j'ai des vagues souvenirs parce que, pareil, mes parents voulaient pas m'acheter ça. Et le chocolat était pas bon. Ouais, je crois. Ah, mais c'est, mais j'allais te je le crois dire. Que c'était il pas bon. Et puis c'était tout fin, donc c'était assez compliqué à le manger. Et puis tu passais plus de temps à enlever le papier qu'à manger le chocolat. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai fini par croire que le papier se mangeait. Et j'ai des copains, ils m'ont dit si le papier se mange, je pense que voilà. Bien eu. Naïf dans les Vosges. Non, mais... c'est là, Annette au pays des je sais pas quoi là. Non, c'est Heidi. Heidi, ouais. Non, mais il y a Annette aussi. Annette. Premier baiser. Ah oui, non, il y a un dessin animé. Voilà. Oui, c'est l'espèce de pâte à tartiner du Heidi, quoi. C'est la sous Heidi. C'est Annette du pauvre, parce que Annette, voilà. Enfin, Heidi était pauvre. Voilà. Donc ça. Du très pauvre. C'est ça. Non, mais le chocolat, je te rejoins complètement. Il était, mais dégoûtant. Mais en fait, j'ai acheté ça. C'est le truc un peu bête. Hein. Ma belle-mère m'a envoyé acheter ses cigarettes. Elle me donnait 10 francs à l'époque. Ouais. Et moi, je m'achetais un paquet de cigarettes en chocolat. Pour faire la maline, quoi. C'était à l'époque où tu avais un cran d'arrêt en forme de peigne. Exactement. Et que tu faisais le loupard. Et j'avais 7-8 ans, tu vois, on se promenait dans la rue avec ma cousine. Tu te recoiffais comme Fonzie, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, il y avait aussi les sardines au chocolat. T'sais, à un moment, on prenait du chocolat, on emballait tout des sardines, des cigarettes, enfin tout. Des sardines en chocolat. Ouais, t'as jamais eu les sardines en chocolat là, emballées dans du papier, comme une vraie sardine quoi. Enfin bref. Donc rien à rajouter sur les cigarettes en chocolat, Charlotte. Non, c'est vraiment que du bon souvenir, mais c'était pas du bon chocolat. Tout ce que je pourrais dire. C'est clair. Non. On frimait un peu avec ça dans la rue, on faisait genre les. Ouais, c'est ça, ouais, genre voilà la poseuse. Quoi. Bon. Et le papier, pas bon non plus quoi. et pour finir sur une note positive, j'avais également choisi le Yes. Ah oui, c'est un napolitain ou je sais pas yes, quoi là, non? C'est comme un en fait c'est comme un millefeuille. Oui, j'avais dit. Non, c'est un truc une mousse au chocolat ou enfin Mais en fait oui, non mais en forme, aussi. C'est plusieurs couches en fait. Ouais. Si tu veux, tu avais une couche supérieure où il y avait des espèces de V de dessinés chocolat plutôt au lait et un peu plus clair du sucre. Il y a une cure pour ça, non? Bien sûr, oui. Allez, on se la regarde. Quand on a envie, très envie d'une tendresse, on nous a yes. Yes. C'est une petite génoise au cacao ou à la noisette. Pleine de tendresse. Yes, c'est son petit cœur d'amour, ce qui nous pousse. La tendresse. Eh oui. Yes, we can. Non, mais c'est vrai que le yes, c'est vrai que c'était dans tous les distributeurs. Alors, les premiers distributeurs qui étaient installés, je me rappelle, dans mon lycée, il y avait des Sundy, que j'adorais aussi, et des yes. Et c'est vrai que c'est une sorte de millefeuille, entre le millefeuille et le savane, assez petit, là, où il y avait écrit yes en gros sur le papier blanc. Mais franchement, le nom était marrant, mais le produit, j'aimais bien ça en fait. Ouais, mais bon, voilà, c'était pareil, très léger quoi. Oui, c'est ça, on était dans la bonne. Voilà. Bien grasse. Bon, écoutez, je crois qu'on a quand même pas mal balayé les friandises. On peut pas finir ce cadeau bonus quand même sans parler du musée Haribo dans le Gard, à ouais. Uzès. J'ai déjà visité 3 fois. Bon, allez, Charlotte, à toi. C'est pas très grand en fait. J'ai été un peu déçue, j'y suis retournée plusieurs fois parce qu'à chaque fois on a des copains qui viennent en vacances et on se refait le musée Haribo parce que ça fait marrer tout le monde. Mais c'est un peu décevant en fait. Il parle vite fait de l'histoire du bonbon, il y a 2-3 activités pour les enfants, mais je. Bon, ça vaut le coup. Pas. Honnêtement, pour le prix de l'entrée, je trouve que c'est pas. Alors ça vaut le coup d'aller à la boutique. Avec un camion qui arrive dehors, avec un carba. En fait, t'achètes des paquets de Haribo de 5 kilos minimum, tu vois. Et par thème de bonbons, donc à chaque fois... Ouh, il n'y a que des coca. Et c'est un truc de fou, on va faire un stock avant l'été, et après l'été, tu vois, on repart avec notre stock de bonbons. Il y a, il y a tous les grands classiques Haribo. Moi, j'y allais que pour les nounours en chocolat, avec de la guimauve dedans. Ouais, oh, quelle horreur. C'est trop bon, sauf qu'en fait, ils ne les font pas en été, parce que c'est le bordel. Ah oui. Donc du coup, ils ne les font plus. Donc, faut y aller pour la boutique en fait. Puis il y a pas mal de produits dérivés, des mugs, des t-shirts, des conneries. Enfin, pour les enfants, c'est assez sympa. Il y a même le jeu de société Haribo. Je me souviens que ma cousine m'avait offert le livre de recettes avec des bonbons. Donc okay. Tu peux cuisiner. Pas des... Et le jeu de société, tu commences la partie et au final, tu manges le plateau. Ou... C'est ça. Vous savez que en parlant de bonbons, j'avais regardé une fois par curiosité, mais avec des Mikado et des Twix, tu peux faire quelque chose, quoi. Tu peux faire un gâteau, je crois. Oula. Ah oui, avec des Kit Kat aussi. Ouais, ma tante, elle avait fait un truc comme ça pour l'anniversaire de ma cousine l'année dernière. Ouais, un petit délire comme ça. Et il y a des gens qui inventent des recettes avec des friandises déjà existantes, quoi. Ouais, t'as le gâteau au carambar, des trucs comme ça. Enfin, bref, quoi. Ouais, mais enfin, bon, enfin, au carambar, tu peux faire plein de trucs. Ouais. Tu peux faire de la crème la de carambar, hein, mais dans les crêpes tarte, sur la tarte. Mais non, mais avec les bonbons, c'est vrai que tu vois, les fraises Tagada et tout, c'est pas trop mon trip. Donc, Bon, donc en gros, vous voulez acheter des bonbons, vous y allez. Mais si c'est pour avoir l'historique, moi je pensais qu'on pouvait trouver, tu sais, genre ils te présentent les vieux bonbons, ceux qu'on fait marquer la marque et tout. Ouais, quoi, les logos et tout. Il y a un petit peu, il y a les vieux emballages, t'as quelques trucs, mais ouais, je trouve que c'est vraiment succinct. Enfin, c'est dommage. Ouais. Enfin, c'est un peu chiche. Ouais. Voilà, j'aurais aimé plus de choses, justement, plus tu sais, des vieux distributeurs, de trucs, plus de vieilles machines. Et je trouve ça. Alors pour les enfants, c'est très bien du coup, parce que c'est pas trop long, c'est pas. Mais je trouve que l'entrée, j'avais souvenir, enfin l'entrée est quand même chère pour le. 7 euros, messieurs dames. Voilà, donc quand t'es en famille. Ouais, bah ouais. Bah, ça fait vite 35 euros. 4,50 € pour les enfants de plus de 5 ans. Voilà, ce qui fait quand même assez cher. Bon, t'as un petit paquet de bonbons à l'entrée, hein, avec ton billet d'entrée. Non. Pour donner envie de passer à la boutique et leur par contre l'eau elle est payante parce que ça donne hyper soif et ils se rattrapent sur l'eau quoi, tu vois. La bouteille minérale elle est à 4 euros quoi, tu vois. Je ne peux pas boire. Non, mais bon, pour vous rassurer, bien sûr, l'entrée de la boutique n'est pas payante. Ah, quand même. Et tu peux y accéder de l'extérieur sans avoir. Absolument. Voilà. Et rien que pour la boutique, c'est sympa d'aller faire un tour. Puis il y a devant le musée, il y a des grosses statues de chamallows, machin, pour faire des photos avec les enfants. C'est rigolo aussi. Bon. Donc voilà. Une fois, ça va peut-être, mais peut-être j'aurais pas dû y aller trois fois en même temps. Ça fait une indigestion. Bah surtout pour 20 kilos à chaque fois, ça commence à faire beaucoup. Quoi. C'est ça. Par contre, t'es comme la plupart d'entre nous, les dates de péremption sur les bonbons, t'as jamais été en position de te dire celui-là il doit être périmé, j'imagine. Oh bah non. Voilà, on est d'accord. De toute façon, c'est mangé assez vite. Voilà. Bon, enfin, en tous les cas, on va quand même finir ce podcast en rappelant qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et pas des bonbons de 5 couleurs différentes. C'est et puis, une fraise Tagada, une banane. Pour votre santé, évitez de manger trop sucré, trop salé. Et voilà. Mangez-bouger. Mangez-bouger.fr. Enfin bon. Non, bah écoutez, je pense qu'on s'est donné faim. Et j'espère qu'on vous a donné faim aussi et envie de regoûter tous ces vieux bonbons pour ceux qui existent encore. Et puis, bah, je vais me joindre à toute l'équipe pour vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus. Allez, à bientôt. Salut à toutes et à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, salut. Quand on voit passer le grand Prosper sur la place Pigalle, avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air malabar et sa démarche en canard, faut pas être bachelier pour deviner son métier. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ses dames. Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il fait jamais rien lui-même, il a son harem. Qui de Clichy à Barbès, le jour et la nuit sans cesse, fait son petit business. Et le soir, tous les soirs, dans un coin d'ombre propice, faut le voir, faut bien le voir, encaisser les bénéfices. Il ramasse les billets et leur laisse la monnaie, en quel sacrifice. En somme, c'est leur manager, et yop, la boum, prospère. Le chocolat au lait de Boulin est deux fois plus crémeux. Le chocolat au lait de Boulin est deux fois plus crémeux. Donc, deux fois plus tendre. Donc, deux fois plus tendre. Et deux fois plus onctueux. Et deux fois plus onctueux. Boulin crémeux est plutôt deux fois qu'une. Boulin crémeux est plutôt deux fois qu'une. Et jamais 203. Et jamais 203. Et jamais 203. Je vous reçois 5 sur 5. Je vous reçois 5 sur 5. Je vous reçois 5 sur 5. Je vous reçois 5 sur 5. Je vous reçois 5 sur 5. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000. Bon, on va regarder qu'à 2000.